suis. A, incompris. B, mal aimé. C, mal pris. D, toutes ces réponses. La vie est un long sondage court, dont les réponses nous prennent par le cou. De quoi voudrais-tu parler? A, de la pluie. Générations futures. A, une philosophie de la vie à toute épreuve. B, une histoire décupée.